Mercredi 5 septembre, 13h, suis-je en quarantaine? Rien n'arrive. Rien ne se passe. J'ai le sentiment, depuis hier, d'être mise à l'isolement. Ce n'est pas qu'un sentiment, depuis qu'on m'a déménagé dans cette cellule, une cellule tout confort, j'en conviens, je ne vois que la tête du surveillant, et celle de l'oxy qui distribue avec lui la gamelle. C'est ainsi qu'on appelle le repas qu'on nous sert. L'oxy qui s'en charge, est quant à lui, dénommé, gameleur. Bonjour. Bonjour. Rien d'autre à nous dire. Ce matin je me suis réveillé dès 7h. J'ai laissé la télé allumée toute la nuit, pour bien m'abrutir. J'ai fait dès mon réveil quelques exercices physiques, abdos, fessiers, pectoraux. Dame, il faut bien s'entretenir. À 8h on nous apporte de l'eau chaude pour le petit-déj. L'eau chaude du matin, c'est un privilège dont ne bénéficient que les détenus arrivants. Ensuite, soit tu as de quoi te faire chauffer de l'eau dans ta cellule, soit tu déjeunes à l'eau froide. On nous distribue aussi du café chicorée soluble et du lait en poudre. Prévoyant que Mara, j'ai gardé de la veille de quoi manger. Le petit déjeuner, pour moi, c'est sacré. Et le matin, j'ai encore de l'appétit. Je fais à nouveau du sport en chambre toute la matinée. Le repas de midi a été frugal. J'ai presque encore faim. Je m'allonge et je me cale devant la télé, un reportage sur Ramsès II. L'Égypte me va bien, c'est plein de momies. Un mort doit s'y sentir à l'aise. Je n'ai plus rien à fumer mais je peux m'en passer pour l'instant. Par contre, j'aimerais bien aller marcher, comme les premiers jours. À 2h, ils viendront bien me chercher. Sinon je suis résolu à faire du sport dans ma cellule, j'ai écrit tout à l'heure 2 lettres au juge, que je compte remettre à mon avocat, quand celui-ci voudra bien me rendre visite. Je prépare une autre lettre. Celle-ci, je compte la remettre à l'oxy ce soir, à l'heure de la gamelle. Une lettre pour Adrien. J'ai son numéro d'écrou et de cellule. Il est dans ce même bâtiment, au 3e étage, je suis encore au 1er. Il faut bien que je lui écrive quelque chose, mais quoi? Les mots me paraissent fadeux et me manquent. Je lui écris en français et en roumain. Miette d'or destinée. Je n'ai aucune espérance. L'espérance, n'est-ce pas là le pire des mots, rester au fond d'une boîte. Je veux lui dire que je suis ici et tout le reste. J'aurais préféré qu'un autre sort, nous réunisse mais ainsi soit-il, je m'invente un dialogue avec lui, des mots de pacotille, des paroles ridicules. Toi ici, moi ici, et peut-être je ne te reverrai pas, d'ici ta sortie prochaine. Bonne route donc. Pour lui seulement, je ne mettrai pas le carré blanc. Son souvenir est vivace. Son absence m'a été longue, depuis son incarcération. Dire que je ne l'ai vu que 3 fois une demi-heure en 5 mois, seulement ici lors des parloirs. À présent, le fait de le savoir dans ce même bâtiment, si près, cela vient malgré tout presque adoucir mon anéantissement. Le reverrai-je une fois? Le souvenir du bonheur a un goût d'autant plus subtil qu'il ne peut être, en ce qui me concerne, que fugace. Certes, il y en a qui sont abonnés au bonheur, j'en connais, mais pour moi, mauvais sang ne saurait mentir, on me l'avait plus d'une fois prédit. J'étais bien prévenu. À la télé, ils ont prévu un grand soleil pour cet après-midi. Accepterai-je sans maudire mon isolement? Drôle d'isolement pourtant. La lourde porte qui m'enferme est une véritable éponge, ou plutôt, une passoire, pour le bruit. Il me semble, aux échos des allées et venues qui me parviennent, que certains détenus ont droit de libre circulation, qu'on les autorise à se promener dans les coursives. Ça crie, ça court, ça s'interpelle. Leurs éclats de voix m'atteignent ici comme de la mitraille. À cela se rajoutent les coups sur les portes, coups de poing, coups de pied, et ces appels, sans cesse, surveillants. Oh oh, surveillants. Je ne sais pas si jamais je pourrai m'y faire. Dieu, que cette prison est bruyante.